إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله وبعون الله عز وجل l'explication de ce livre أعلام سنة المنشورة, donc les repères de la sunna déployée, du grand savant الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Et on s'est arrêté à la semaine dernière à la question 157. La question 157. Le Cheikh, après avoir parlé de tous les piliers de la foi, et on a expliqué donc quel était le fil conducteur de tous ces chapitres, et cela revenait donc au hadith de Jibril, on n'y revient pas parce qu'on l'expliquait en détail encore la semaine passée ou le cours dernier. On va tout simplement revenir sur le point de Al-Iman. Lorsqu'on a dit Al-Iman, donc la foi, ce terme Al-Iman, on a vu qu'est-ce que ça voulait dire au niveau du char. Et c'est à titre de rappel, sachant que le shir, lorsqu'il a développé tous les points de cette foi et tous les arcanes, c'est-à-dire donc tous les piliers de cette foi, avant de détailler cela, il a donc détaillé ou expliqué ce qu'était la foi au niveau de la religion, au niveau de la législation, et comment on la comprenait, suivant bien entendu le minhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et donc c'était cela au tout début des cours concernant Al-Iman. Et le shir est revenu sur Al-Iman, mais cette fois-ci en rappelant donc Al-Shu'ab, en rappelant les branches. Et nous on avait fait simplement un rappel au niveau de son sens et de son acceptation du point de vue religieux. Et lorsqu'on avait dit Al-Iman, Qawlun wa Amal, il faut également préciser, donc c'est à titre de rappel uniquement, que ce que l'on rajoutait les savants de la sunna, qawlun wa amal yazid wa yanqus, inam yazid wa yanqus, qui est également un point fondamental à assimiler, à comprendre pour réellement savoir et comprendre ce que Al-Iman, suivant le livre d'Allah et suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et combien de versets ont nous prouvé que cette foi elle augmente. Et cette foi également elle diminue. Et lorsqu'on dit Yazid wa yanqus, certains savants nous disent Yazid bitta'a wa yanqus bil ma'siya, c'est-à-dire qu'elle va augmenter avec at-ta'a, c'est-à-dire donc avec l'obéissance à Allah Azzawajal. Et tout ce qui rentre dans l'obéissance, de par les actes, de par les paroles, tout ce qui va rentrer dans l'obéissance, at-ta'a. Et bien entendu, c'est avec cela que cette foi elle va augmenter. Et ce qui rentre également dans la ta'a, la science. Lorsque la personne elle apprend son djinn, elle augmente donc en science, elle augmente également en foi. Et ils disent également yanqus bil ma'siya. Et lorsqu'ils disent bien entendu bil ma'siya, c'est dans en fait beaucoup de cas où cette foi elle va diminuer lorsqu'on fait un péché, lorsqu'on tombe dans le péché. Mais on voit que beaucoup de savants disent également ala itlaq, c'est-à-dire yaqulun yazid wa yanqus. Elle augmente et elle diminue, sans une précision. Et ce qu'on va comprendre lorsqu'ils disent yanqus mutlaqan, c'est vrai qu'elle diminue et elle ne diminue pas forcément tout le temps avec le péché, elle marsiya. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que l'homme, al-insan, de par sa nature, il va avoir des moments où sa foi va augmenter et des moments où sa foi va se rabaisser, même s'il n'est pas dans fil marsiya. Et quel est le dalil par rapport à cela? Quel est le dalil que la foi peut diminuer, même si ce n'est pas fil marsiya? C'est le hadith de Hanzala, comme nous l'a rapporté l'imam Muslim dans son authentique. Vous savez que lorsque Hanzala, il a rencontré Abu Bakr, il lui a rapporté ce qu'il trouvait dans son cœur. Il lui a donc fait état de sa situation et de ce qu'il ressentait au fond de son cœur. Il lui a rappelé que tout simplement lorsqu'il était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur rappelait, leur faisait un dhikr, un rappel sur le feu, sur le paradis, alors à ce moment-là, leur foi allait augmenter. Et c'est comme s'ils voyaient le feu de leurs propres yeux. Donc un niveau de foi qui augmentait à ce moment-là, au moment du rappel, au moment où ils étaient auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils retournaient chez leur famille, lorsqu'ils retournaient auprès de leurs enfants, et qu'ils donc prenaient un temps de distraction avec eux, et ça bien entendu c'est pas fait le haram, c'est bien entendu fait le halal, à ce moment-là, alors, ils sentaient que la foi rabaissait. Pourquoi? Parce qu'ils s'éloignaient à ce moment-là du rappel. Et donc, il s'imaginait, et il a cru que c'était en réalité un acte d'hypocrisie. Et donc, lorsqu'il a rencontré Abou Bakr et qu'il lui a expliqué cela, Abou Bakr a dit qu'il ressentait la même chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont tout simplement été voir le prophète sur et lui expliquer leur cas. Et qu'est-ce qu'il leur a dit à ce moment-là, le prophète sur sallam? Il leur a dit que tout simplement, ça c'est une chose qui est normale, qui revient à la nature humaine. Et qu'à ce moment-là, lorsque cette foi, elle va automatiquement diminuer, si on la compare à la foi au moment où ils sont auprès du prophète sallam, ils entendent ce dhikr-là. Mais lorsqu'elle a diminué, ce n'est pas fait le marsir. Ce n'est pas fait le marsir. C'est dans ce qui est halal, dans ce qui est autorisé dans le djinn, au moment de cette distraction. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire cette parole. Walladhi nafsi biyadi, il va jurer par Allah azawajal, celui donc qui détient son âme. Illa utadumun ala ma takunun indi wa fi dhikr. C'est-à-dire que si vous continuez, si vous étiez donc dans un état permanent, lorsque vous êtes auprès de moi, donc au moment du dhikr, au moment du rappel, la safahatkum al malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya hamdara sa'atan wa sa'a sa'atan wa sa'a sa'atan wa sa'a. Trois fois il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur a dit, si vous êtes tout le temps au même niveau, si vous êtes donc lorsque vous êtes auprès de votre famille et de façon donc continue, vous êtes au même niveau donc que lorsque vous êtes auprès de moi, vous entendez le dhikr, qu'est-ce qui va se passer alors? Si ça aurait été ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit alors, les malaïka, vous aurez rencontré et vous aurez serré la main, les malaïka, dans vos lits, wafiturukhikum, dans vos chemins, le chemin que vous empruntez, etc. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de lui dire, ahamdala, et pour lui faire part que cela n'est pas du nifaq et que cela n'est pas fil marsiya, il lui a dit, sa'a, c'est-à-dire qu'il y a une heure pour le rappel, mais il y a également une heure pour la distraction. Donc, et lorsqu'on dit bien entendu une heure, sa'a, ça ne veut pas dire une heure, il y en a 60 minutes, comme on pourrait le comprendre. Non, un sa'a, c'est tout simplement un temps. C'est-à-dire qu'il va avoir un temps, c'est bien plus, c'est une acceptation au niveau de la langue qui est bien plus générale que lorsqu'on traduit par heure. C'est en réalité le un temps. Sa'a ou sa'a, c'est-à-dire qu'il va avoir un temps où il y aura du rappel, où la personne a besoin de ce dhikr-là, mais également un temps où il aura besoin également à un moment de distraction. Ça c'est l'homme, il a été créé comme ça. C'est sa nature. Et c'est ce que ici lui enseigne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et que ça ne fait pas partie donc du nifaq, le fait que lorsqu'il retourne chez sa famille, et que donc à ce moment-là, cette foi elle va rabaisser, elle ne va pas être au même niveau que lorsqu'il se trouve auprès du prophète, et ça c'est normal. Donc en réalité, yazid ou yankous. Et donc, un pouce, la foi, elle diminue, pas forcément avec el marsiya, pas forcément avec le péché. Ça donc, c'est un rappel pour ce qui était de la foi. Qawlun wa amal, on l'a déjà expliqué, yazid ou un pouce. Ça, c'est la foi, ou arfouane. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Le shir, après donc nous avoir fait un rappel pour ce qui était de shu'ab, shu'abul iman, donc, Shu'abul Iman, qui sont donc les branches de la foi. Il nous avait donc bien expliqué ce qu'on voulait dire par là. Il va nous rappeler le shir à la question 157. Yaqul, Ufkur, Khula Satama Addu. C'est-à-dire, cite ce qu'ils ont recensé en résumé. Il nous avait expliqué le shir qu'il y avait deux parmi le Shurrah al-Hadith, parmi ceux qui ont expliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des commentateurs. Il y avait ceux qui avaient donc écrit et qui avaient donc tenté de répertorier et d'énumérer toutes ces branches-là. Et il nous avait rappelé, le shir, que cela n'était pas le but. Que cela n'était pas le but en lui-même. Même si ça avait été profitable, ce travail qu'ils avaient fourni, mais ce n'est pas le but. Le but en lui-même, de connaître ces branches point par point. Et il nous avait rappelé que tout ce qui se trouvait bien entendu dans le fil kitab ou sunnah et qui revenait aux ordres, qui revenait donc à l'accomplissement des ordres, et au fait de s'écarter de ce qui était interdit, le fait de rendre vrai et de croire donc ce qui nous est venu, cela donc complétait toutes les branches de la foi. Il va tout simplement nous rappeler donc ensuite, et ici, à titre d'exemple, et pour nous donner donc un aperçu, et donc on ait enfin une idée réelle de ce qui va rentrer dans ces branches-là. Il va donc nous rappeler ce que lui-même Al-Hafir Fil-Fath, lorsqu'on dit bien entendu Al-Hafir, c'est tout simplement cet éminent savant qui est Ibn Hajar, et qui était bien entendu un des grands, des très grands savants dans le hadith, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad al-Asqalani, et qui est né en l'an 773, et qui était, comme on l'a dit, on l'a rappelé, un grand savant dans le hadith, qui a étudié le hadith auprès des grands savants de son époque comme Zayn al-Iraqi et d'autres encore, et ensuite il a écrit beaucoup de livres dans la science du hadith, beaucoup, et dans les différentes sciences du hadith, que ce soit fi ilm al-rijal, comme son livre Tahrib al-Tahrib, ou son livre Taqrib, ou son livre également Lisan al-Mizan, et d'autres encore, d'autres livres encore. Également, pour ce qui est de l'explication même du hadith, et son livre le plus connu, qui s'appelle Fath al-Bari, Bisharh Sahih al-Bukhari, et qui est en réalité l'explication la plus complète qu'il y a eu, et qui existe pour ce qui est de l'explication de l'authentique de l'imam al-Bukhari. C'est pour ça que les savants, ils ont une expression, cette expression qui est prise d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, lorsque, bien, comme tout le monde le sait, lorsqu'il y a eu al-Fath, et al-Fath ici, al-Maqsoud fil hadith, et qui est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra ta'ba'ad al-Fath, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hijra après l'ouverture, après donc la conquête. C'était bien entendu la conquête de la Mecque, lorsque le prophète Samuel a conquis la Mecque, et que la Mecque est devenue donc sous son contrôle, alors il n'y a plus besoin de faire de hijra, comme cela a été avant le cas, c'est-à-dire l'exode, al-hijra, de Médine jusqu'à la Mecque. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la hijrata ba'd al-fath, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de hijra après que Mecca soit ouverte. El Maqsoud, l'exode de Médine, ou plutôt de la Mecque à Médine, l'exode de la Mecque à Médine. Et c'est pour ça que les savants, lorsqu'on parle de Fath al-Bari, donc ce livre qui s'appelle Fath al-Bari, ils reprennent cette expression et ils disent la hijrata ba'd al-fath. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, eux, en rappelant ce grand livre qui a été un des plus grands livres qui a été écrit donc dans l'histoire de la science musulmane? Ils veulent tout simplement dire qu'après cette explication de Sahih al-Bukhari qu'a fait l'imam al-Asqalani, il n'y a plus besoin d'autre explication pour ce qui est de ce livre, tellement cette explication était complète, et tellement en réalité l'imam al-Asqalani, il s'est basé sur toutes les explications qui sont venues avant lui, et même les savants rapportent qu'il a écrit ce livre 14 fois, c'est-à-dire qu'il l'a expliqué une première fois écrit, ensuite il a revu ce qu'il avait tout expliqué en rajoutant ainsi de suite, c'est-à-dire donc qu'il a fait cela 14 fois pour dire donc comment il a perfectionné cette explication de ce livre qui s'appelle donc Fath al-Bari, et qui en réalité est la meilleure explication pour ce qui est de l'authentique de l'imam al-Bukhari, sachant qu'il y a beaucoup de savants qui ont expliqué Sahih al-Bukhari, beaucoup. À la kulli hal, ça c'est un rappel pour ce qui est de l'imam Ibn Hajar. Et donc lui, Ibn Hajar, rahimallah, il nous rappelle donc dans son livre Al-Fath, donc dans son explication, ce qu'a rapporté également un des grands savants de l'islam, qui s'appelle Ibn Hibban, Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmed Al-Tamimi Al-Busti rahmatullah alayh, et qui était également un grand savant dans le hadith à son époque, et qui a écrit et qui a rapporté les hadiths comme son livre Al-Musnad al-Sahih, également qui est écrit dans la science du hadith comme son livre Al-Thiqat ou Al-Du'afa et d'autres livres encore. Il va rapporter donc ce que lui a cité par rapport donc à son essai de rapporter tout ce qui est en rapport ou tout ce qui est en relation avec les branches de la foi, donc les énumérer. Il nous dit donc le shir que ces branches là en réalité elles se divisent, elles vont se diviser, c'est à dire que ces branches se ramifient, que ce soit à partir des actes du cœur, donc a'mal al-qalb. On a vu ce que c'était a'mal al-qalb. On sait que le cœur, il a des actes, ce qu'on appelle des actes, a'mal, comme le fait d'avoir peur, c'est un sentiment qui va venir du cœur. Le fait d'aimer, c'est un sentiment qui vient du cœur. Tout ça en réalité, c'est des actes, c'est ce qu'on appelle les actes du cœur. Taïb, le fait d'aimer, le fait de détester, etc. Le fait tawakkul, le fait de s'en remettre en Allah azawajal pleinement. Tout ça, c'est des actes du cœur. Donc, ça va rentrer où ces branches-là se ramifient donc à partir des actes du cœur, également des actes de la langue, a'mal al-lisan, donc ce que va dire la langue, et également des actes du corps, les actes du corps, yani a'mal al-badan. Donc, c'est déjà trois grandes catégories. On va dire trois grandes branches, et ensuite de ces trois grandes branches, il va y avoir d'autres branches qui vont se ramifier, partir d'elles. Il va nous dire fa'amal al-qalb. Qu'est-ce qui va entrer fa'amal al-qalb? Il nous dit al-mu'taqadat. Al-mu'taqadat. Donc les croyances. Les croyances, ça rentre donc dans ce qu'on appelle a'mal al-qalb. Les croyances. Al-mu'taqadat. Ensuite, wa'niyat. Wa niyat, et également les intentions. Lorsqu'on dit donc niyat, qui est le pluriel de niya, c'est les intentions. Et elles vont comporter à leur tour donc 24 khisla, ce qu'on appelle donc ici khisla. Arba'a wa ashrin, 24. Donc ce qui va entrer dans cela, fil mu'taqadat wa fil niyat, et qui revient donc min a'mal al-qalb, il va donc y avoir 24 khisla, on pourrait traduire également par sous-branche. On pourrait traduire donc par sous-branche. Il va donc les citer ensuite. Al-iman ou billah, la croyance en Allah azawajal. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui va rentrer dans la croyance en Allah? Wa yatrul fiha, il dit, al-iman bi dhati wa sifati wa tawhidi bi annahu laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Donc il nous dit qu'est-ce qui va entrer fil iman billah. Il rentre plusieurs choses dans l'iman billah. Il nous dit le fait de croire en son entité Allah azawajal. Al-dhat, ce qu'on appelle al-dhat, bi-dhati, taïb. Également en ses attributs. Wa-sifati, ça se rentre également dans cette branche-là. Wa-tawhidi, et son unicité. Bi-annawli sa-kamithilishi, wa-was-samiru al-basir. Et donc cette unicité, et plus précisément ici, que ce soit l'unicité par rapport au nom et aux attributs, cette attestation se fait bien entendu sous cette règle qu'on a déjà expliquée maintes fois, surtout à travers l'explication de ce livre, lorsqu'on est passé aux règles des noms et attributs, tous les cours qu'on a fait concernant les noms et les attributs, leurs règles, etc., le qawa'id. Et bien entendu, on sait que la règle fondamentale revient à ce verset-là. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Donc ici, Allah Azza wa Jal qui nie ici donc toute ressemblance à lui, mais qui atteste wa huwa as-sami'ul basir, qui atteste donc une attestation qui va attester en réalité ses noms. Wa huwa as-sami'ul basir. Donc il atteste également ici donc ses noms et ses attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à la kulli hal, ça on l'avait expliqué, on n'y revient pas dessus. Et ça rentre donc dans cet iman et dans cette branche là ou sous-branche. Également il nous dit le shir wa i'tiqadu huduthi ma dunahu wal iman bi mala'ikati wa kutubi. Et également donc le fait de croire et d'avoir la ferme intention que tout ce qui est en dehors de lui est contingent. Tout ce qui est en dehors de lui est apparu. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas lui de début et n'a pas de fin, subhanahu wa ta'ala. Taïb, contrairement donc à tout ce qui était créé et qui sont donc apparus un jour et qui ont donc eu un début. Ça, c'est ce qu'on comprend par hudouth madouna. Tout ce qui est en dehors de lui, Allah azawajal, elles sont advenues un jour elles sont apparues un jour, donc dans le monde de l'existence. Contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui seul n'a pas eu de début et n'a pas de fin, subhanahu wa ta'ala. Ça rentre donc également dans cette branche ou sous-branche. Il dit également qu'est-ce qu'il y a en dedans, al-iman bi malaikati wa kutubi wa rusuli wa al-qadari khayri wa sharri. Donc le reste des arcan al-iman, comme donc la foi aux anges, aux livres d'Allah, aux prophètes d'Allah également, al-qadar, la prédestination, que ce soit dans le bien et dans le mal, et aussi donc al-iman bi yawm al-akhir, pour compléter donc les six piliers de la foi. Wa yadkhul fihi. Et qu'est-ce qui rentre bien entendu fi iman bi yawm al-akhir? Et qu'on est toujours donc dans ces 24 branches, il nous dit qu'est-ce qui va rentrer fil iman bil yawm al-akhir, et ça également on l'avait déjà détaillé dans les cours. Il rentre beaucoup de choses. Il rentre notre croyance donc par rapport al-qabr. Donc on est bien ici fil mu'taqadat. Donc par rapport al-qabr, par rapport à la tombe, al-ba'th, également par rapport à la résurrection, al-nushur, également par rapport au déploiement, également al-hisab, les comptes, également al-mizan, la balance, al-sirat, le pont, également al-jannah wa al-nar, donc le paradis et le feu. Et sur tous ces points-là, il y a eu des cours. Pour ce que soit al-hisab, il y a eu un cours particulier qu'on a fait, al-mizan exactement, de même, al-bahth, aussi plusieurs cours, al-qabr, également plusieurs cours, al-sirat, un cours également, al-jannah wa al-nar, on avait expliqué ces piliers, donc également on avait fait plusieurs cours sur comment devait être notre croyance par rapport à al-jannah wa al-nar et les piliers de cette croyance-là. Donc on voit que tout cela rentre bien dans al-yawm al-akhir et que cela donc rentre dans ce qu'on appelle a'mal al-qalb et qui ici plus précisément al-mu'taqadat, donc les croyances. Donc on voit ici c'est parmi les sous-branches. Également il nous dit le shir wa mahabbatullah wa al-hubbu wa al-murdu fihi wa mahabbatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa'i'tiqadu ta'zimihi. Il nous dit également le shirk qui va rentrer dedans, et on est bien toujours fi a'mal al-qalb, al-mahabba. Donc on voit bien ici que c'est le mahabba, comme on l'avait expliqué au début, qui rentre dedans cet amour, ce sentiment qui vient du cœur, et qui est donc un acte de ce cœur-là. Le fait d'aimer Allah azawajal, mahabbatullah, wal-hub wal-burd, et également aimer donc en Allah et détester en Allah. Al-hub wal-burd, al-wala wal-bara. Ça fait également partie des actes du cœur, ça rentre dans cette foi-là. Et dans ces branches-là. Et également l'amour que l'on doit avoir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la croyance de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yadkhul fihi as-salat alayhi. Donc on dit bien entendu ta'zim, le fait de vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais suivant bien entendu le juste milieu que nous a enseigné lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son niveau. C'est-à-dire croire qu'il est au plus haut degré, au plus haut niveau que l'homme et peut-être, c'est-à-dire le fait qu'il était un prophète et le meilleur des prophètes, mais également croire que c'est un esclave et que c'est un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Wa yadkhul fihi as-salat wa alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa ittiba'u sunnati wal ikhlas. Également ce qui va rentrer dedans, donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait donc de prier sur le prophète et d'invoquer donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également le fait de suivre sa sunna. Suivre sa sunna ou l'ikhlas, également ici on voit donc ça revient ici à l'intention, la pure intention que l'on doit avoir pour Allah Azzawajal. Et on voit ici lorsque le shiril a dit ittiba sunnati ou l'ikhlas, on va retrouver ici les deux conditions d'acceptation de quoi, de l'adoration fil ittiba ou l'ikhlas. Également il nous dit le shiril yatrul fihi tarkur riya ou nifaq ou tauba ou khawf ou raja ou shuk والوفاء والصبر والرضا والرحمة ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وأخفوانا والرضا بالقضاء أخفوانا سوتينين والرضا بالقضاء وتوكل والرحمة والتواضع. Ça rentre également dans ces branches. يدخل في ترك الرياء. Ici il va nous parler de ترك le شيخ. Alors qu'au début il disait أعمال أعمال القلب. Et maintenant, il nous parle de tark. Le tark, qu'est-ce que c'est un tark qui vient du verbe taraka? C'est tout simplement le fait de délaisser. De délaisser une chose. Lorsque tu délaisses une chose, tatruku adashé. C'est-à-dire, donc, tu délaisses cette chose. Le fait de délaisser, est-ce que c'était un acte en lui-même? Naam. En réalité, au niveau de la législation, c'est considéré comme un acte. Parce que le fait, à titre d'exemple, que tu as délaissé ce dont ton âme a penché vers, c'est-à-dire vers cette chose, tu as fait donc un acte. Cet acte-là, comment il s'est transformé? C'est tout simplement, tu as combattu ton nafs et tu t'es rappelé l'obéissance que tu dois avoir envers Allah Azzawajal. Tout ça, c'est un acte qui se fait chez l'homme et qui en réalité pour conséquence at-tark, le délaissement. Donc en réalité, c'est pour ça que lorsqu'on voit que le cheikh nous dit tark, c'est en réalité bel et bien un acte, parce que pour qu'on aboutisse à ce délaissement, pour qu'on ait pour résultat le délaissement, il a fallu un acte. Donc qu'est-ce qu'on va délaisser ici et qui va rentrer dans ces actes du cœur? Tark ar-riya, le fait de délaisser l'ostentation et donc de combattre cette ostentation qui vient en nous, ayyaban billah, wan-nifaq, et également donc l'hypocrisie, cette hypocrisie qui vient en nous la combattre également et la délaisser. Ça rentre également fil iman ou fil shu'ab al-iman, dans les branches de la foi. At-tawba, le fait de se repentir. Al-khawf, le fait d'avoir peur d'Allah azza wa jalla. Cette khawf, bien sûr, al-khawf al-shar'i, la peur donc qui rentre sous l'aspect législatif. Et on fait sortir par cela, lorsqu'on dit al-khawf, la peur qui peut être générale, le fait d'avoir peur du adou, de l'ennemi, le fait d'avoir peur d'un animal qui se dresse devant nous subitement, tout ça, ça rentre dans al-khawf tabi'i, donc la peur qui est naturelle. Et la naqsid bidhalik, c'est-à-dire on ne veut pas dire par cela la peur qui est générale, toutes les sortes de peurs, mais bel et bien ici la peur al-khawf, la peur d'Allah, c'est-à-dire donc la peur que l'on a d'Allah Azzawajal, cette peur qui est basée donc sur cette croyance, qui est basée sur la crainte d'Allah Azzawajal. Donc c'est bien ici le maqsoud bil khawf, et qui rentre donc dans ces branches. Wa raja, le fait de avoir l'espoir en la miséricorde d'Allah et en la récompense d'Allah, l'espoir. Donc on voit tout ça, c'est des quoi? C'est des sentiments qui viennent du cœur, c'est des actes du cœur, ce qu'on considère comme des actes du cœur. Ashuk, être reconnaissant. Également al-wafa, qui est la fidélité. Également as-sabr, qui est la patience, l'endurance. Également ar-ridha bil-qada, le fait d'être satisfait du décret d'Allah, de ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété. Également at-tawakkul, donc s'en remettre et avoir pleinement confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rahma, également la clémence qui vient de l'homme, et également la modestie, tawadhu, tout ça, tous ces actes qui viennent donc à la base du cœur, ça rentre dans la foi, ça rentre fil iman, ça rentre donc dans les branches de l'iman. Wa yadkhul fihi tawqir al-kabir, tawqir qui vient du verbe yuwaqqir, waqqara yuwaqqir, et qui est tout simplement le respect de celui qui va être plus grand que nous, du grand, de la personne âgée, de celui qui est plus grand que nous. Ça entre également dans la foi. Ça va être donc, ça fait partie de cette foi, de ces branches de la foi. Wa rahmatu sarir, également d'être clément, d'être miséricordieux envers les petits. Wa tark at-takabbur, et donc délaisser, abandonner l'orgueil, l'arrogance, ayadun billah. Wa al-ujb, également l'ujb, c'est-à-dire le fait d'être fier de soi-même, la vanité, ça c'est al-ujb. Également ça, c'est à délaisser. Wa tark al-hasad, également délaisser la jalousie, al-hasad. Et bien entendu, ce qu'on veut par le hasad, ce qui est connu au niveau de la religion et ce qui est compris comme étant mal, al-hasad, ça rentre également. Le fait de délaisser, ça rentre dans la foi, ça rentre fil iman. Donc regardez un petit peu comment les branches de cette foi sont vastes. Wa tark al-hiqd kadhalik, délaisser la rancune, et également al-ghadab, et également la colère. Tout ça fait partie de quoi? De a'mal al-qalb. Donc ici il y a eu les sous-branches ou khisla, comme l'a dit le shir, qui ont été de 24, qui ont été énumérées et qui rentraient, qui se résumaient donc au al-mu'taqadat et également à al-niyat, donc les intentions et également les croyances. Ensuite, le shirk va passer à la deuxième, on va dire, grande branche, ou grande catégorie, qui est ici, a'mal ou lisan. Donc après avoir parlé de a'mal al-qalb, a'mal ou lisan. Naam, les actes de la langue. Car la langue, on considère qu'elle a également des actes. C'est-à-dire que on va utiliser cette langue. Et au moment où on va utiliser cette langue, et comment on va utiliser cette langue, et ce qui va sortir donc de cette langue ou de notre bouche, bien entendu, ça va être considéré comme des actes. وَذَا أَعْمَلْ أَلْلِسَانِ Ici, il nous dit وَتَشْتَمِلْ عَلَى سَبْعِ خِسَالِ عَلَى سَبْعِ خِسَالِ C'est-à-dire, donc ici, qu'elle va contenir, elle va englober, ici, donc, sept sous-branches. Il nous dit أَتَلَفُّظُ بِالتَّوْحِيدِ أَتَلَفُّظُ بِالتَّوْحِيدِ Donc, le fait de prononcer le tawhid, donc de prononcer cette parole La ilaha illallah. Ça, le fait de prononcer, ça rentre dans la foi. Wa tilawatul Qur'an, et le fait donc de réciter le Qur'an. Wa ta'allum al-'ilm wa ta'limuhu. Le fait d'apprendre, l'apprentissage de cette science, ça rentre également dans les branches de la foi. Regardez. Ça rentre également dans les branches de la foi. Et le fait de l'enseigner, wa ta'limuhu, ça rentre également dans les branches de la foi. Et on est ici fi a'mal al-lisan. Donc ça rentre dans a'mal al-lisan. Dans la deuxième catégorie. Également, du'a wa dhikr. Donc, les invocations. Également, le rappel d'Allah Azzawajal. Wa yadkhul fihi al-istighfar. Wa ijtinab al-laghw. Également, il rentre dedans le fait de demander le pardon à Allah Azzawajal. De par sa langue, al-istighfar. Astaghfirullah. De demander pardon à Allah Azzawajal, ça rentre également dans la foi. Ça rentre également dans les branches de la foi. Fi a'mal al-lisan. Et le fait également de s'écarter des propos qui sont futiles. Ça également, ça rentre dans la foi. Et tout, bien entendu, tout cela, les gens de science l'ont pris du Coran, l'ont pris également des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça est bel et bien basé. Ça, c'est pour ce qui était de A'mal al-Lisan et qui était donc de sept sous-branches. Ensuite, wa'a'mal al-Badan, wa'a'mal al-Badan. A'mal al-Badan, donc bien entendu le badan qui est le corps en lui-même, donc après le cœur, après la langue, il y a donc le corps, il y a donc le corps, et bien entendu on veut dire par là le corps tout le reste des membres qui n'ont pas donc été cités, que ce soit dans le cœur ou que ce soit donc par la langue, donc tout le reste du corps. Ici il nous dit qu'il va avoir 38 sous-branches, donc khisla ala thamani wa thalathin khisla. Il y en a 38, Tayyib, dans ce qui maintenant est de A'mal al-Badan. Minha yaqul ma yata'allaq bil a'yan. Il y a en réalité ce qui va être relatif aux individus, aux êtres. Tayyib. Wa ya khamsu ashara khisla. Donc, ça comporte ici 15 sous-branches. 15 sous-branches. Il nous dit at-tatahur hissan wa hukman. Le fait donc de se purifier. Donc le fait de se purifier, hissan, donc le fait de se purifier de tout ce qui va venir se coller à notre corps comme impureté. Tout ce qu'on va trouver comme impureté sur notre corps, ça c'est du hissan, ce qui va être palpable. Donc on doit se purifier de cela. Et également, hukman. Comme par exemple, le fait d'avoir eu un rapport avec notre épouse, on va donc devenir à ce moment-là plus tahir, on n'est plus donc en état de pureté mais d'impureté. En réalité, cet état d'impureté, si la personne, on regarde comme elle est, on ne pourra apercevoir en elle ce qui serait palpable, ce qu'on pourrait voir à l'œil comme impureté. C'est ce qu'on appelle hukman, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être vu, qui ne peut pas être palpable. Mais c'est bel et bien impureté, cet état-là. Même si, par exemple, la personne se lave sans faire le lavage, al-rous al-shar'i, donc celui qui va réellement enlever cette impureté, c'est-à-dire que la personne se lave tout simplement en jour d'été afin de refroidir son corps, tabarrudan, avec cette niya-là, ça ne sera jamais considéré comme un rous shar'i. Il faut qu'il y ait un niya, la bouddha min un niya, c'est-à-dire de cette intention. Donc on veut par là, ici, hukman, ce rous shar'i, pour ce qui est donc du cas, de cette impureté majeure et qui dit donc hukman, que l'on ne peut palper, qu'on ne peut voir. C'est ce qu'on appelle ici hukman. Contrairement donc à hissan, comme on l'a expliqué, hissan c'est ce que l'on voit, ce que l'on peut palper. Donc cette impureté qui va se coller au corps et que l'on doit donc purifier. Et ça rentre également dans ce qui est des branches de la foi. Il nous dit également le cheikh, wa yadkhul fi it'am at'am, it'am at'am. Donc le fait de nourrir, de donner la nourriture, wa ikram ad-dayf, le fait également d'honorer, de faire honneur à son hôte. Et tout ça bien entendu c'est pris des hadiths du prophète. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui croit en Allah le jour dernier, falyukrim dayfahu. Alors qu'il fasse honneur à son daif. Donc on voit bien que c'est pris, tout ce qui a été cité, c'est pris des hadiths, ou c'est pris des versets du Coran, qui donc rattachent ces actes-là aux branches de la foi. Également, il nous dit, as-siyam farban wa naflan, c'est-à-dire donc le jeûne, que ce soit à titre obligatoire ou celui qui est à titre surrogatoire. Donc on rentre ici de fil-ibada, l'adoration. Al-i'tikaf, également, le fait donc de faire retraite, la retraite pieuse donc dans la mosquée. Également, il nous dit le shir iltimas laylat al-qadr wal-hajj wal-umra wal-tawaf kadhalik. Donc également chercher la nuit du destin, également le pèlerinage donc à la Mecque, également l'umra, le petit pèlerinage, hein, également la procession autour de la Kaaba, tawaf. Et également al-firar bid-din, donc le fait de se sauver pour sa religion, le fait par exemple de faire l'hijra, le fait de s'exiler, wa yadkhul fi nam, ensuite il va nous dire le shirk, wa yadkhul fi al-hijra min dar al-shirk, donc al-firar, le fait de s'enfuir pour donc préserver sa religion. La personne qui s'enfuit pour préserver sa religion, ça rentre également dans les branches de la foi, et il rentre dedans donc dans ce qu'on appelle al-firar, al-firar qui vient du verbe farra yafirru firaran, le fait donc de se sauver, de s'enfuir, et ici dans un but bien précis, de préserver sa religion, ça rentre également donc dans les branches de la foi, et il rentre dedans al-hijra, donc l'exil, min dar al-shirk, le fait de s'exiler d'un pays du polythéisme, du pays des polythéistes. Également, il rentre al-wafa ou bin-nadr, également donc dans ses branches. Ici, il rentre le fait de tenir ses promesses. Donc lorsqu'on fait une promesse, un nadr, lorsqu'on fait donc une promesse pour Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'on promet de faire quelque chose, on doit le faire. Wa taharri fil ayman, également s'enquérir dans les serments, c'est-à-dire donc de faire attention, ce qu'on dit taharri fil ayman, de ne pas donc faire des serments à chaque fois, à tout moment. Donc faire attention et savoir que le serment il a une grande valeur, donc donner de la valeur à ce serment. Et ne pas faire de serment à chaque fois, à tout moment, et pour la moindre chose. Wa ada al kaffarat. Donc également expier ou s'acquitter des expiations. Donc lorsqu'on a une expiation, que ce soit par un jeûne ou etc., on doit donc s'en acquitter. Ça fait partie également de ces branches. Également ce qui se rapproche ou ce qui se raccroche au suivi. Au suivi, bilittiba. Donc au suivi, que ce soit donc le suivi du Coran, que ce soit le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle al-ittiba. Donc le suivi de ce din. Et ici, il nous dit qu'il y a sitta khisal. Il y en a six sous-branches donc. Il nous dit ta'affuf bin nikah. Et bien entendu, on l'a longuement parlé de cette question-là. Donc le fait de chercher et de préserver sa chasteté par le biais du mariage. Lorsqu'on se marie, on va donc préserver cette chasteté. Ça rentre également en fil iman. Ça rentre également dans les branches de la foi. Et également, le cheikh nous dit, wal qiyam bi huquq al ayal. Également, on en avait déjà parlé. C'est-à-dire, donc, subvenir aux besoins de ses enfants et s'acquitter de leurs droits, de ses enfants, al ayal, de ses enfants, al ayal. C'est encore plus général, de ses enfants, de sa femme, de la famille, de sa famille. Wabir al-walidayn. Et également, et ça, c'est plus qu'important, c'est la bonté envers les parents, et qui rentre également fil yemen. Wayatrul fihi ijtinabu al-uquq. Et donc, qu'est-ce qui va rentrer dans cette bonté qu'on a envers les parents? le fait de s'écarter donc de ce qui est son contraire, et le contraire donc à cette bonté, et qui est donc al-birr, c'est al-uquq, c'est donc être ingrat envers les parents, ayadan billah, et ne pas respecter donc les liens de parenté. Et également wa tarbiyatul awlad, tarbiyatul awlad, également l'éducation des enfants. L'éducation des enfants également, ça fait partie donc des branches de la foi. Wasilatul rahim, entretenir donc le lien de parenté, ça fait partie également des branches de la foi. Il nous dit également wa ta'atus sadati wa rifq bil abid, également pour ce qui est donc de l'esclave, qu'il suive donc son maître, suivre son maître dans ce qu'il lui ordonne, obéir donc à son maître, ça fait partie également de ce qui est de la foi. Et bien entendu wa rifq bil abid, ça c'est pour ce qui est du maître, c'est-à-dire être plus et être doux, être bon, être doux envers son esclave et être clément envers lui. Donc également ça, ça rentre dans les branches de la foi. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقْ بِالْعَامَّةِ. Donc ici, بِالْعَامَّةِ, on va comprendre de ce qui est beaucoup plus général et de ce qui est ici pour le commun des musulmans, c'est-à-dire الْعَامَّةِ, عَامَةُ النَّاسِ, c'est-à-dire la plupart des gens. Donc bien souvent ici, et ce qu'on va voir donc à la suite de ce qui va être dit pour ce qui est des questions de suivre et d'obéir au gouverneur, ça va rentrer donc ici en ceux qui sont en dehors donc du gouvernement, ceux qui sont en dehors donc de l'imama, ceux qui sont en dehors de l'qadra, etc., tous ceux donc qui ont en réalité autorité. Donc ici ça va être les gens de façon générale, ceux qui eux n'ont pas une autorité et qui doivent donc se soumettre et obéir à cette autorité. Et il nous dit que ici, donc ce qui est en relation avec le commun des musulmans, l'ensemble des gens, ça va être de 17 sous-branches, khisla, 17. Il nous dit le qiyam bil imarati ma'al adl. Donc, il nous dit le gouverner avec équité, gouverner avec équité. Donc le fait de gouverner avec équité, ça rentre al-imarati ma'al adl. Ça rentre également dans la foi. Donc on voit Naam, que c'est encore plus général. Lorsqu'on a dit c'est uniquement pour ceux qui sont en dehors de l'autorité, ça concerne également ceux qui ont l'autorité. Ça concerne également donc ici ceux qui ont l'autorité lorsque le shir dit al-qiyamu bil imara ma'al adl. Donc le fait de gouverner avec équité. Wa mutaba'at al-jama'a wa ta'ati uli al-amr. Donc ça également c'est un point qui est important, qui rentre également en fil d'Iman, c'est donc obéir aux dirigeants, à ceux qui ont le pouvoir. C'est donc de leur obéir. Et également, wa mutaba'atul jama'a, et de suivre donc l'ensemble des gens. L'ensemble des gens. Bien entendu ici, jama'at al-muslimin, c'est-à-dire le groupe des musulmans qui eux suivent un imam, qui eux suivent un gouverneur, c'est-à-dire donc d'être avec eux. D'être avec eux et d'être rassemblé avec eux donc autour de quoi? De l'obéissance donc aux dirigeants. De l'obéissance aux dirigeants musulmans. Ensuite, et ici, ce qui va rentrer dedans également à l'islah ou bayn al-nas. Donc on voit ici, c'est tout ce qui est en rapport avec la société. On voit bien ici, lorsqu'il a dit le shir, ma yata'allaq bil'amma, tayyib, on voit en réalité tout ce qui est en rapport avec la société. Parce que d'un côté, le shir, il nous a parlé du gouverneur et de ce qu'il devait faire, donc gouverner avec justice. Et d'un autre côté, avec ceux qui suivent ou qui sont sous l'autorité du gouverneur. Donc les gens, de façon générale. Et à eux, donc, de rester groupés ensemble, de former une jama'a autour, donc, de l'obéissance à celui qui détient l'autorité. Wal islahu bayna an-nas, le fait de concilier entre les gens, le fait de concilier entre les gens, également on voit donc l'importance et que ça rentre dans la foi. Et combien de versets du Coran par rapport ou en ce qui concerne l'islah, donc qui font partie des branches de la foi. Wayatrul fihi. Et qu'est-ce qui va rentrer donc dedans et qui va être ici à l'opposé? Qital al-khawarij. Qital al-khawarij. Wal-bughat. Le fait de tuer. Le fait donc de combattre et de tuer qui? De combattre donc al-khawarij, ceux que l'on considère comme al-khawarij, wal-bughat, al-khawarij, wal-bughat. Donc al-khawarij qui eux vont en réalité sortir de cette jama'a, donc de l'ensemble des gens qui donc ont prêté allégeance et qui suivent donc le gouverneur. Eux, ils en sortent. Ils sortent donc de cette allégeance et en réalité, ils vont sortir. C'est pour ça qu'on les appelle Khawarij. Ils vont sortir non seulement du groupe des musulmans, mais ils vont sortir contre les gouverneurs. Et donc, ils vont combattre les gouverneurs musulmans. Et à ce moment-là, donc, ils rentrent dans la foi de les combattre, ces gens-là. Qital al-Khawarij. Donc, c'est en réalité un acte de foi et ça rentre donc dans les branches de la foi. Wal-Burat, ceux également qui se sont rebellés contre le gouverneur. Et cela, ce n'est pas al-Burat, c'est ici plus général. Pourquoi ? Parce qu'al-Khawarij, eux, c'est suivant une croyance. C'est qu'ils ont, ils vont avoir en réalité la croyance que ceux qu'ils vont combattre devant eux, que ce soit Jama'at al-Muslimin, ou que ce soit le gouverneur, ce sont en réalité des kuffars. Eux, ils ont la croyance que c'est des kuffars qui sont tombés dans le kuffre. Donc on voit que c'est réellement basé sur une croyance, et que c'est réellement une secte, le Khawarij, et comme on le voit de nos jours, ceux donc qui combattent les gouverneurs, et ceux qui combattent également à travers donc leur meurtre, les gens, le peuple, comme cela, est arrivé et advenu dans beaucoup de pays. Wallah al-Musta'an. Donc le fait de les combattre, ça rentre dans la foi. Wal-Burat, donc celui qui va se révolter, ce n'est pas forcément lui par rapport à une croyance. C'est-à-dire il va se révolter contre le gouverneur parce qu'il voit l'injustice. Parce qu'il voit l'injustice ou autre, sans le voir en réalité comme lui, ou avoir la croyance que lui est un kafir ou qui est tombé dans le kouf. Mais il a quand même fait cet acte-là et qui est de sortir et de combattre. Qui est de sortir et de combattre. Donc, lui, également, il a fait donc cette mukhalafa. Il a fait également cet acte qui va à l'encontre des prescriptions religieuses. Et donc à ce moment-là, le combattre lui aussi, ça fait partie de la foi. Pourquoi ? Parce que c'est en réalité combattre ici le mal. C'est en réalité combattre le mal. Donc tout cela, ça fait partie de, comme nous l'ont répété les savants, Ibn Hibban et d'autres, donc ça fait partie donc des branches de la foi. Également, ce qui va rentrer donc dans cela, donc ma yata'allaq bil 'amma, donc on voit également que tout cela rentre dans ce qui est de tout ce qui est en relation avec la société, donc pour que cette société musulmane soit droite, donc de combattre le mal et de faire le bien. Donc on voit ici que c'est de faire le bien et de combattre le mal, donc d'aider les gens à faire le bien et de combattre les gens qui eux le détruisent et qui eux donc vont à l'encontre de ce bien là. Et nous dit donc le shir également wal mu'awana ala al birr, donc le fait de s'entraider dans ce qui est de la bonté, donc s'entraider entre les gens dans ce qui est de la bonté. Et il rentre dedans wa yadkhul fihi al amru bil ma'ruf wa an-nahy 'an al munkar. Et là, ça comprend donc cela, le fait d'ordonner le bien et donc d'interdire le blâmable. Ça rentre dans al mu'awana. Ça rentre donc dans ce qui est de s'entraider dans la bonté. Et ça rentre donc dans les branches de cette foi, dans les branches donc de ces branches-là. Également, iqamatul hudud wal jihad. Donc le fait d'exécuter, d'accomplir les sentences, d'exécuter donc les sentences, le hudud shar'iyya, le fait de couper la main du voleur, le fait de lapider celui qui commet l'adultère, etc. Et également al jihad, donc la guerre sainte, donc de combattre pour que le nom d'Allah Azza wa Jalla soit le plus haut. Al jihad, ça rentre également fil iman, ça rentre dans les branches. Wa minhu al murabata, c'est tout simplement le fait de camper. Ce qu'on pourrait traduire également par les sentinelles, donc le fait de tout simplement être au hudud, être aux frontières des pays musulmans, et donc de faire le guet, et de protéger donc ces limites-là contre les invasions des ennemis de l'islam. Donc ça, la personne qui fait cela, pour protéger donc ad-diyar, pour protéger donc les terres musulmanes et les musulmans, c'est en réalité cette personne-là, une personne qui fait donc un acte de foi. Également, elle rentre dedans ada'ul amana. Ada'ul amana, qu'est-ce que c'est donc ? C'est tout simplement la remise du dépôt. Donc le dépôt de confiance. Lorsque personne nous donne une amana, c'est de la remettre, lui la remettre comme il nous a donné. Wa ada'ul amana. Wa minhu ada'ul khums. ومنه أداء وأداء الخمس والقرض والقرض مع وفائه طيب également ce qui rentre dedans الخمس donc الخمس acquittement du خمس c'est tout simplement le cinquième du butin le cinquième du butin lorsqu'il y a un djihad lorsqu'il y a un butin donc suivant les lois de l'islam s'acquitter donc de ce butin et donc du cinquième ce qu'on appelle donc الخمس le cinquième du butin également donc il nous a dit le shir والقرض القرض qui en réalité la dette lorsqu'on a donc pris une dette d'une personne le rembourser ça fait partie également des branches de la foi والقرض مع وفائه نعم وإكرام الجار également le respect du voisin et donc honorer son voisin ça fait également partie de quoi de la foi وحسن المعاملة et la bonne conduite être bon donc envers les gens faire preuve donc d'un comportement vertueux ça également ça fait partie de quoi de les branches de la foi ويدخل فيه جمع المال من حله c'est-à-dire donc il rentre dedans également donc dans cette foi il inclut également le fait de gagner honnêtement son argent c'est-à-dire de le prendre suivant le halal suivant donc des voies qui sont donc al halal donc de manière honnête وإنفاقه في حقه c'est-à-dire donc également ensuite dépenser cet argent qu'on a donc acquéri de manière honnête suivant donc la religion suivant le halal ensuite la dépenser suivant donc son droit donc comme il se doit وَيَدْخُلْ فِي تَرْكُ التَّبْذِيرِ وَلِسَرَافِ donc le contraire de cela c'est tout simplement l'abandon du gaspillage التَبْذِير également لِسَرَافِ donc التَبْذِير qui comme l'expliquent beaucoup de savants qui font la différence التَبْذِير est tout simplement gaspiller dans ce qui est le haram gaspiller dans Al-Haram, gaspiller son argent dans le haram, ça c'est At-Tabdhir. Wal-Israf, c'est gaspiller son argent, mais ici, pas forcément dans le haram, mais également dans le halal. Dans le halal, c'est-à-dire la personne peut très bien acheter des choses qui sont halal, mais gaspille, totalement gaspille son argent. Et donc également ça, le fait de délaisser cela, c'est donc un acte qui va entrer parmi A'mal al-Badan, parmi donc les actes du corps, et qui rentre donc dans les branches de la foi. Waraddu salam. وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق عن الطريق donc également tout ce qu'il a cité le shir ceci comprend également donc le fait de répondre à la salutation donc lorsqu'une personne dit assalamu alaikum de lui répondre et suivant également les règles qu'on avait déjà citées dans un cours comment on fait pour rad salam ensuite تشميت العاطس donc d'invoquer par cette dua que tout le monde connaît d'invoquer donc la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour celui qui va éternuer. Donc au moment où la personne éternue, lui dire la dua, wa kafat darar an nas et également repousser le mal des gens. Repousser le mal des gens. Ça fait également partie de a'mal al-badan. Ma yata'allaq bil 'amma. Et également, comme nous l'a dit le shir, et comme il était cité dans le hadith lui-même qu'on avait cité au tout début, c'est de repousser le mal des gens que l'on trouve donc sur la route. Ce que l'on trouve donc sur la route. An et-tariq. Il nous dit, ceci donc est tisa wa sittun khisla. Il nous dit donc c'est 69 khisla. Il nous dit fa'adi tisa wa sittun khisla. Donc ceci, tout ce qu'il a cité, il y en a 69. Wa yumkin, il est également possible de les compter comme, il nous dit sab'an wa sab'in. Il est également possible de les compter 77 khisla. بِاعْتِبَارْ إِفْرَادِ مَا ضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ مِمَّا ذُكِرْ Allahu A'lam. Il nous dit donc que cela, tout ce qui a été énuméré, on peut soit les compter suivant 69, taillé, 69 donc branches, ou soit on peut les compter également suivant ce nombre-là, il nous dit 77. Donc 69, ça rentre bien dans بِدْعُونَ وَسِتُونَ dans le hadith, dans l'une des versions du hadith, taillé, parce qu'on avait bien dit que بِدْعُونَ c'est de 3 à 9. Donc on voit bien ici, ou de 3 à 10, et on voit bien ici donc ça rentre dans 69, ça rentre bien donc sous ce terme. Ou alors il nous a dit 77. 77 également, bid'un wa sab'un. Donc ça rentre dans l'autre également version du hadith. Et donc on s'aperçoit ici que l'on compte, suivant ce qui a été, nous le dit le shir, en dissociant ceux qui ont été rattachés, c'est-à-dire que certaines branches ont été rattachées avec d'autres, on peut également les dissocier. Donc le fait de les dissocier, on va avoir un plus grand nombre. Ça va nous donner 77. 17, et le fait de les laisser ensemble, sans les dissocier, les laisser rattacher, ça va nous donner 69. Donc on voit qu'en réalité, il y a, comme on dit, une marge. Et comme on l'avait expliqué le shir au début, ce n'était pas en réalité le but qui était de compter et de savoir exactement. Sachant qu'en réalité, il y a une marge, comme on le voit ici. Et que peut-être un autre savant va avoir un ijtihad, c'est-à-dire un effort d'interprétation, et peut-être qu'il va rajouter une autre branche. Donc à la kulli hal, ça c'est également, on a dit, un essai, et ça nous donne vraiment un aperçu de tout ce qui rentre dans al-iman, que ce soit min a'mal al-qalb, des actes du cœur, min a'mal al-lisan, des actes de la langue, ou min a'mal al-badan, des actes de quoi? Des actes du corps. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, et on continuera la semaine prochaine, ou plutôt vendredi prochain, ce vendredi, bi'idnillahi ta'ala, avec la question numéro 158, et le shir va nous parler, et il va rentrer donc dans ce dernier degré, et qui est bien entendu al-ihsan, ce dernier degré, qui est cité dans le hadith de Jibril, et qui est donc al-ihsan. Subhanakallahumma bihamdika, shadu an la ilaha illa anta,